Élisabeth de Platon, d'Angelo de Sors. Chapitre 1er. Il est dans l'histoire de la famille de Hanovre, une page tachée d'un caillou de sang sur laquelle Shakespeare eut maçonné un drame grand et farouche. C'était vers la fin du XVIIe siècle, aux alentours de 1680. Le palais de Hanovre, à cette époque, sous l'électorat d'Ernest Auguste, résonnait fréquemment de bruits de joie et d'éclats de fête. Car on se divertissait beaucoup à cette petite cour, presque autant qu'à Versailles, qu'on imitait tellement qu'allemand. Seulement la forme manquait, c'était rouge abrupte recevant un reflet de soleil. Néanmoins, le soir où commence ce récit, il y avait grande fête, puisqu'on célébrait l'anniversaire du mariage de Sophie Dorothée, fille du duc de Zell, avec Georges, héritier du prince-évêque d'Osnabrück, électeur de Hanovre. Les avenues du palais étaient gardées par les trabans en grand costume. Les conseillers zoliques portaient des perruques à plusieurs étages et des bas de soie rouges. La cour festoyait dans la grande salle des festins, où avait souvent éclaté la brutale orgie, et un orchestre acousmatique exécutait de la musique de Lully. Le prince-évêque, car on le dénommait ainsi par son premier titre, le prince-évêque, assis sur son siège élevé, buvait et mangeait gloutonnement selon son habitude. Cet homme pouvait avoir 60 ans. L'expression de son visage et sa vaste corpulence disaient ses mœurs. La moitié de sa vie s'était écoulée, joyeuse, dans le palais épiscopal d'Osnabrück, où il avait vécu comme un burgrave du temps de Barbarousse. Or, depuis qu'il résidait dans le palais de Hanovre, l'électeur avait peu modifié ses allures et ses passions. L'émigration des protestants français eut une influence heureuse sur les coutumes allemandes. En effet, la société germanique, ne pouvant dégrossir sa nature trapue, l'avait pour ainsi dire endimanchée. C'était une couche de vernis sur une surface brute. Le brillant n'ôtait pas la rudesse. Telles étaient, en résumé, les habitudes de l'électeur et de ses courtisans qu'il convoyait à ses distractions. Le matin, il revêtait une cuirasse et chassait. Après, il mangeait et s'enivrait, et le soir, vêtu en dieu mythologique, il figurait dans un ballet de Kino afin de ressembler à son prototype, le roi de France. En face de l'évêque se tenait un homme à visage mal sculpté, porteur d'une physionomie d'une brutalité stupide. C'était le prince Georges de Brunswick-Lunebourg, fils de l'électeur. Il parlait peu et buvait beaucoup. Sa jeune femme, assise à son côté, regardait avec effroi et dégoût sa figure rouge d'ivresse, ses yeux inertes, son front rude. Hélas, cette pauvre Sophie Dorothée, fille de Française, dans le cœur de laquelle on avait broyé un sentiment d'amour, semblait percevoir dans l'avenir le drame qui devait la ployer sous sa main sanglante dans la géhenne du malheur. Et cependant, le présent lui indiquait dans un mirage éclatant, comme un glaive, le trône d'Angleterre, mais elle n'y croyait pas. À la droite de l'électeur, sa femme, l'érudite, inattentive aux propos de la table, causait avec un homme simplement vêtu, qui mangeait peu et versait de l'eau dans son vin. On nommait ce personnage M. Leibniz. À sa gauche se tenait, pareil à une reine, fière et hautaine, une jeune personne de 20 ans, nommée Élisabeth de Weisenberg, et mariée depuis peu au comte de Platen, précepteur du jeune prince Georges. La comtesse de Platen, et ceci mettait son mari en honneur et crédit, avait le titre de favorite de l'électeur. La sérieuse électrice, femme de grand sens, n'en était point jalouse, et ce scandale, peu choquant à cette époque, ne la distrayait nullement de ses travaux théologiques et littéraires. La comtesse de Platen a joué dans son siècle, mais sur un petit théâtre, des rôles aussi tragiques que certaines parmi les plus célèbres favorites. Son esprit s'attaquait aux subtilités politiques, tout aussi heureusement que la veuve de Scarron, et ses sens avaient la violence de ceux de la fille des Borgia. Ce soir-là, elle était vêtue à la mode de Versailles et portait une coiffure à la Steinkerk. Ainsi que d'habitude, le repas se terminait lentement. L'électeur s'abandonnait sans vergogne à une bruyante ébriété, et les convives, en bons courtisans, augmentaient le brio de la table par des galanteries vineuses et des exclamations bachiques. « Messieurs, s'écria le prince de Hanovre, d'une voix engravée et perçante, avant de quitter la table et pour dignement fêter ce grand jour, je propose le défi de la cloche. » Les convives accueillirent cette invitation par un hourra prolongé. Le prince Georges, à moitié assoupi, se réveilla et un gros rire éclata sur son visage. Sophie Dorothée rougit. « Et quel sera le prix accordé au vainqueur ?»« Le prix, mon beau-fils, sera un baiser déposé sur le front de la noble dame de Zell, reine de la fête. »« Fort bien, vous vous la faites belle, mais encore si c'est moi qui le remporte ?»« T'as réclamé fort juste, nous allons y aviser. »« Si ma prétention n'est pas trop ambitieuse, monseigneur, vous déposerez le baiser sur le front de ma femme, » dit obséquieusement le comte de Platen. « Non pas, » reprit aussitôt la belle Élisabeth en donnant un regard à l'électeur. « Monseigneur le prince Georges embrassera mademoiselle Mélusine de Schulenbourg. C'est le désir de l'électeur. »« C'est le mien aussi, » ajouta l'héritier de Hanovre, qui dit là un mot presque spirituel. Mais en se rasseyant, la comtesse Élisabeth de Platen lança un coup d'œil victorieux à la rêveuse Sophie qui baissa la tête. Certes, c'était un étrange verre que celui que deux Trabans apportèrent sur la table. Figurez-vous une vaste cloche en argent contenant, bien sûr, autant que la boîte de Bassompierre. On en détacha le battant et elle fut emplie. Le vainqueur, comme preuve de son haut fait, devait, après avoir bu, la renverser sur la table sans mouiller le linge. Le tour commença par l'électeur. Il la prit vaillamment et en recouvrit sa large face. On fit silence pendant cette déglutition cyclopéenne. Mais, vains efforts, il ne put la vider qu'aux trois quarts. C'était sa première défaite. Aussi rejeta-t-il la cloche en proférant un jurement épouvantable qui fit tressauter l'électrice et sourire la favorite. Ernest Auguste prenait des ans. La cloche passa devant Leibniz, sans qu'il daignât seulement s'interrompre de combattre un doute proposé par la savante femme de l'électeur sur la prescience divine. Le comte de Platen se soumit à la question du vin avec toutes les bonnes résolutions d'un homme de cœur. Sa perruque faillit en perdre l'équilibre, mais il remit à temps la vaste coupe mi-pleine avec une expression de découragement navrante. Presque tous les courtisans échouèrent. Le prince Georges, rempli d'espérance par la défaite de son père, reçut la cloche avec forfanterie et but longtemps. Puis il s'arrêta. Les veines de son front se gonflèrent, sa respiration sortit bruyante, et sa colère éclatant devant son impuissance, il jeta la cloche à la tête d'un valet et le blessa. L'électeur, tout joyeux, lui lança une raillerie sous forme de conseil paternel. Après son fils, il ne redoutait personne. Il y avait à cette table un jeune homme aussi beau que Madame de Platen était fière, que l'épouse du prince Georges était belle. Son œil reluisait, noir comme ses cheveux. Son visage avait la teinte du brun doré d'une orange née au soleil de Murcie. Ses lèvres étaient grasses, sensuelles et légèrement déprisantes. Colonel des gardes de l'électeur, il portait son magnifique costume, peut-être un peu modifié à sa fantaisie, avec aisance et noblesse. Il se nommait Philippe de Königsmark, se donnait pour Danois et venait de France. Héros d'aventure, la cour, charmée par ses récits, ses saillies et l'ironie cinglante de son esprit, l'avait bienveillamment accueilli. Quand la coupe campanuliforme lui fut offerte, il la porta à ses lèvres, et les yeux sur la princesse de Zell, il but sans précipitation. Renversé sur la table, la cloche tarie n'humecta pas le linge. Tous les convives applaudirent. L'électeur lui-même s'étant levé conduisit la femme de son fils vers le colonel. Celui-ci, après s'être incliné humblement devant la princesse rougissante, se borna à prendre sa main qu'il baisa avec respect. L'incident de la cloche terminé, on passa dans la salle de spectacle pour y voir représenter une pastorale due à la plume de Madame de Platen. Le comte de Königsmark conduisait la favorite par le coude. Celle-ci le retint auprès d'elle pendant la représentation. « Comte, lui dit-elle, vous aviez le droit de donner le baiser sur le front de notre princesse et vous l'avez respectueusement posé sur sa main. Colonel, vous aimez cette femme ?»« Non, madame, mais je la protège. »« Ah, et contre qui ?»« Contre ceux qui veulent sa perte. »« Quels soins laisserez-vous donc à son mari ?» Celui de se défendre en lui-même contre la femme que vous avez placée devant lui, pour détourner de son cœur l'amour que sa pauvre nature eût pu concevoir, peut-être. comte, vous vous trompez. Homme de fortune, vous êtes sur le seuil d'une voie fatale. Je veux vous avertir. Aurais-je l'honneur tardif de vous recevoir après le spectacle? J'ai de nombreuses choses à vous dire. » Königsmark s'inclina en signe d'obéissance. Pendant cette causerie, faite à voix contenue, l'électeur et toute sa cour, par ricochet, s'égayaient beaucoup des pauvretés d'esprit débitées par de pauvres acteurs. Entre la pastorale de Mademoiselle Elisabeth de Weissenberg, alors comtesse de Platen, et le ballet, des rafraîchissements circulaient. Une maladresse amena la chute d'un plateau. Des éclaboussures de crème glacée vinrent frapper la favorite au visage, qui, à cette sensation froide, poussa une exclamation effrayée. Il y eut soudain tumulte. Plusieurs dames s'avancèrent, leurs mouchoirs à la main, mais le colonel Philippe, assis à côté de la comtesse, saisit aussitôt un de ses mouchoirs offerts et essuya la joue souillée. Le calme se rétablit. On commença le ballet dans lequel les lecteurs devaient figurer et se présenter adorés par des nymphes. Mais l'attention ne se portait nullement sur le théâtre. On se communiquait tout bas une remarque. Les regards se dirigeaient à la dérobée du côté de la favorite. On chuchotait, on raillait. La comtesse demanda au colonel la cause de cette distraction. Celui-ci parut ne savoir que répondre. Toutefois, les chuchotements cessèrent et le ballet s'achemina gaiement jusqu'à sa dernière scène. La pantomime achevée, on sortit de la salle et tout dans le palais rentra dans le silence. De nos jours, on pourrait dire qu'il était 1 heure du matin. Mais nos pères, n'employant pas encore le gaz, n'osaient guère s'aventurer dans la nuit. La pendule qui pesait sur la haute cheminée de l'appartement d'Elisabeth Platen marquait 9 heures. La comtesse était seule lorsque Philippe de Königsmark fut introduit près d'elle. Les hommes sont bizarres comme les femmes, surtout les hommes d'agréable tournure et de bonne prestance. Certainement, la favorite était la plus belle femme de toute la cour du Hanovre, et sa haute faveur jetait un prestige réel sur sa beauté. Néanmoins, c'était la seule femme auprès de laquelle le beau Danois ne s'était point montré assidu. Il jouait imprudemment avec l'orgueil de la comtesse, bien qu'il sût qu'elle était extrême en toutes choses et qu'à tout prendre, sa passion valait mieux que sa haine. « Écoutez, Königsmark, dit tout à coup Madame de Platen, après avoir accueilli sans attention quelques banalités polies. Si je vous ai prié de venir près de moi, c'est pour vous offrir un conseil. Vous vous êtes fait ici, gratuitement, le défenseur d'une mauvaise cause. Abandonnez cette folie. Rendez justice à ceux qui vous veulent du bien. En un mot, soyez avec nous. » Le jeune homme affecta une certaine indifférence devant le préambule qu'on lui lançait de la sorte. La favorite reprit sur un ton plus familier et plus interrogatif aussi. « Savez-vous, comte, à qui vous devez le grade dont on vous a revêtu ?»« À l'électeur, si je ne me trompe, madame. » « Pas du tout, mon cher colonel, mais simplement à moi. » Il eût été généreux, madame, de me laisser dans mon erreur, n'ayant, je crois, par aucune démarche sollicité ce titre honorifique. Königsmark, mettons franchement carte sur table, et parlons avec raison et sagesse. Dans ma main est votre fortune, si vous voulez, votre perte, si je veux. D'abord, je vous connais aussi bien que vous-même. Je sais ce qui vous a chassé de Londres, le crime de votre frère qui, pour épouser Lady Percy, n'a rien trouvé de mieux que de faire assassiner Thomas Thane, son mari. Il y en a même qui prétendent que vous n'avez jamais eu de frère, comte. Un peu de jour sur cette affaire et votre fortune s'éteint. Réfléchissez à cela. Qu'innocent, vous pouvez tomber, si c'est ma volonté. Coupable, je puis vous élever, si c'est mon caprice. Vous êtes donc à ma merci, vous comme les autres, car je sais tout, ici. L'électeur est un vieux podagre qui déchoit dans le ridicule. Son fils, une brute, qui dans ces guerres de Hongrie s'est imbu pour toujours des grossières mœurs soldatesques. Maintenant, l'avenir est éclatant pour nous. Le trône d'Angleterre recevra demain le prince George. Or, ce que j'étais dans la forteresse d'Osnabrück, je le suis ici, et par ma fille, je serai à Londres ce que je suis à Hanovre. Voyons, qu'est le parti de la princesse de Zell? Rien. Elle est seule. Son mari la hait et lui préfère Mademoiselle de Schulenbourg. Sa famille la repousse. Vous êtes donc tout seul pour elle. C'est maladroit et ridicule, comte. Königsmark, par le mouvement de la pensée qui éclaira son cerveau, se redressa peu à peu de toute sa taille et descendant sur son interlocutrice un regard fort et dédaigneux, il lui répondit hautement « Eh bien, madame, seul je défendrai cette femme contre vous, contre l'électeur, contre son mari, contre tous. Il se peut qu'on ait cru que je prenais pour modèle un Buckingham, mais plus bas, un Lausanne, peut-être. Eh bien, je me fais sérieux, aujourd'hui. Il faudra vous grimer, colonel. Je viens de France, où il souffle un vent fébrile qui porte les hommes d'intelligence aux folles et nobles choses. Ainsi, il y a un certain courage chevaleresque qui me tente à se lever seul en faveur d'une pauvre femme attaquée par tous, à venir à elle, sans amour, sans ambition, et désintéressée, la défendre. Ce rôle aventureux me plaît, je l'accepte. Je l'accepte par fierté, par devoir, par générosité. Dans le fond de l'Allemagne languit, je le sais, un Auguste de Wolf von Büttel, à qui Sophie Dorothée, alors princesse de Zell, avait donné son cœur et que vous avez écarté. Je tendrai la main à cet homme, sans défiance, sans jalousie. C'est une guerre, fort bien, qu'elle soit légale, et nos forces seront égales. Madame la comtesse, je ne serai pas avec vous. Enfant, vous parlez follement, comme un poète. Considérez donc le passé, et ne nous donnez pas de nouvelles armes contre votre innocente et rêveuse dame. On n'aime pas les Français ici. À la cour du duc de Zell, vous le savez, deux partis sont en présence, celui du duc et celui de la duchesse Éléonore d'Olbreuse. La femme de Georges, leur fille, est française par sa mère et par l'éducation. Vous ne conquérez personne pour votre cause, comte. Mais d'ailleurs, mon Dieu, ne considérez que moi, c'est bien plus simple. Ma vie est mon œuvre. C'est un roman dans lequel je marche et dont le plan est sous mes yeux. Je violente ma destinée et la conduis vers un but. Comte, croyez-moi, du roman ne faisons pas une tragédie. Ma tâche est laborieuse, rétive, je le sais. Aussi j'espérais qu'une main secourable pourrait aider la mienne, que ma volonté pourrait croître par l'adjonction d'une autre volonté. Je le dis sans jactance. Les hommes qui m'entourent sont au-dessous de cette somme d'énergie nécessaire. Mon mari est un courtisan, capable seulement de bassesse, je le méprise. Ernest Auguste est un ivrogne qui me fait dégoût et me craint quand je parle. Comte, lorsqu'une femme d'un caractère pareil au mien agit envers un homme comme j'ai fait à votre égard, croyez-vous que cette femme ne sente pas au fond du cœur un sentiment caché qui s'élève? Si vous me regardiez parfois, vous auriez découvert sur mon visage à votre approche une pâleur frémissante, une émotion visible. Königsmark, ne vous étonnez pas de ces paroles, car ces paroles tombent sur votre destinée et leur influence va peser sur vous. J'ai marché au-devant, mais sachez que je ne recule jamais et que la rougeur ne monte pas impunément à mon front. Cette ouverture de la comtesse, mitigée de sentiments et de menaces, ne troubla pas Philippe. Il pouvait se sauver, mais par une bizarrerie étrange de son esprit, il fut cruel et se perdit. « Madame, lui dit-il, avant mon départ de Paris, j'ai assisté à la représentation d'une tragédie d'un nommé Racine, dans laquelle il y a une scène toute semblable à celle que vous venez de dire. Je vous conseille de la faire étudier pour le théâtre de l'électeur. Vous y jouerez un rôle, monsieur, car si je me trompe, vous êtes excellent comédien. Je n'écris ni joué aucune pastorale, madame. Ah, comte, je connais votre vie aussi bien que vous. Nous savons combien vous avez, l'autre mois, amusé l'électeur de Saxe, en contrefaisant l'évêque en Apollon, en disant avec esprit des détails sur la comtesse de Platen vêtue en Vénus. Eh bien, vous êtes plus adroit que je ne l'espérais. Vous avez repoussé la feinte que je vous présentais, car c'est à mes pieds que je voulais vous flageller de mon mépris et de ma haine. » À ce moment, le comte, par un mouvement inexpliqué et peut-être par simple contenance, sortit un mouchoir de sa poche. « Il y a du sang à ce mouchoir. Est-ce celui de votre frère ?»« Non, madame. C'est celui avec lequel j'essuie votre joue, ce que vous prenez pour du sang et du fard. » La comtesse se présenta à une glace, et sa figure lui parut empourprée d'un côté et pâle de l'autre. Elle se rappela les chuchotements qui s'étaient fait entendre dans la salle. Tout lui fut expliqué. Elle sonna. « Éclairez à monsieur le colonel des gardes. » dit-elle avec ce sang-froid que les âmes fortes conquièrent dans les grandes émotions.